Icon album. This is a song called The Joys of the Emptiness. Okay, so we're gonna do a new song right now. So if we fuck it up. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Paradise Lost et The Joys of Emptiness pour célébrer tout simplement le réenregistrement de l'album Icon paru en 1993 pour les 30 ans du groupe. L'occasion pour le groupe d'Angleterre de récupérer les droits sur cet album dont il ne bénéficiait pas en fait. Donc c'est une pratique courante, ils ne s'en cachent pas vraiment dans les interviews. Ils ont dit que le contrat qu'ils avaient signé avec Music for Nation à l'époque n'était pas très avantageux et il s'agissait tout de même d'un de leurs gros succès, donc ils ont envie de récupérer un petit peu les fruits de leur travail, d'autant plus que maintenant la production aidant, l'expérience également amagasinée avec les années permet vraiment d'apprécier leur musique dans toute sa splendeur. Cet extrait de cet album Symphonies for the Lost, sur lequel on retrouvait l'orchestre philharmonique dans l'ancien théâtre romain de Bulgarie. C'était ce morceau Joys of Emptiness sur cet album Symphonies for the Lost par Paradise Lost. Ce soir dans Overdrive, on aura de l'excellente, excellente musique. On retrouvera une interview du groupe Nightmare réalisée lors du Plein Air Fest du mois de juillet 2023. L'occasion d'écouter un réenregistrement du morceau Eternal Winter, enregistré donc en compagnie de Barbara, nouvelle chanteuse du groupe. Voilà, on s'envoie tout de suite Blue Oyster Cult, 50 ans de carrière, fêté sur scène avec un nouvel album live. Ça s'appelle 50th Anniversary Live First Night et on en voit tout de suite le classique parmi les classiques du groupe de hard rock psyché américain. Il s'agira de Cities on Flame with Rock and Roll par Blue Oyster Cult. Let's do it, guys. We'll be right back. Yes, c'est vraiment excellent que ce Blue Oyster Cult, Cities on Flame, on rock and roll, on se croirait revenu à l'époque bénie du live on your feet, on your knees. On reste dans on va dire old school maintenant, avec le groupe Heavy Load qui nous sort cet album Riders of the Ancient Storm tout de suite. Voilà qui ravira les amateurs de bon vieux heavy et metal, et ça tombe bien puisque j'en fais partie. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. For the treasure. Yes, vous venez d'entendre le groupe Heavy Load tout de suite sur Overdrive Radio Dieu. Il est 21h passées de 53 minutes. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de rock, de heavy metal, Heavy Load. Pour ce groupe qui a vu le jour au début des années 70, toujours actif maintenant, une carrière bien entendu longue comme le bras, même si les succès ont été plus que rares. Donc une abnégation dans le travail qui force bien entendu le respect. Voilà ce qu'inspire Heavy Load, un excellent album avec bien entendu une pochette d'inspiration heavy metal. On pense au retour qu'a fait un groupe comme Sacred Angle ces dernières semaines, ces derniers mois, même si ici le propos se veut foncièrement moins dur, la musique peut-être un petit peu plus 70s, notamment due à la production au clavier. Néanmoins, on peut souligner l'excellent travail du guitariste ici, qui ne cherche pas à épater la galerie, mais cherche beaucoup plus la mélodie et à servir la chanson. C'était donc Valhalla Warriors pour tous ces amateurs de bon vieux hard rock. On va rester maintenant dans une inspiration, on va dire, cette fois 90s, beaucoup plus proche du son de Seattle. Ça s'appelle Dirty Black Summers avec Gospel of Your Sin. Un gros son cette fois, même si bien entendu on est sur des tempos assez lourds, assez pesants, avec un son très gras. Là aussi, le groupe se voit d'inspiration un petit peu peut-être Alice in Chains, qui se verrait un peu plus encore méchant. Ce sera Black Pills and Death Mask. Tout de suite, vous écoutez Overdrive Radio Duo. Take us out. Come on. Who's gonna dance till the dance will take us out? Yeah. Anytime, we need a flame. Dirty Black Summer, superbe album, un morceau bien envoyé avec pas mal d'influence bien entendu de la scène 90s, même si on n'arrive pas vraiment à mettre sur le doigt sur la personne vraiment qu'on ressent derrière l'influence justement et des intonations de la voix. Voilà qui est vraiment une superbe production française. Gospel of Your Sins qui vient de voir le jour sur Novalux Production. Alors revient sur le label Frontiers Records qui nous ressort pas mal d'albums du milieu de carrière du groupe Fate. Pour ceux qui ne connaissent pas Fate, il s'agit du groupe qui avait fondé le guitariste de Mercyful Fate au moment où il s'était séparé de King Diamond. Donc King Diamond, au milieu des années 80, avait ainsi fondé sa carrière solo avec le guitariste Andy LaRocque et Michael Denner, le guitariste de Mercyful Fate, était parti lui fonder Fate dans une veine beaucoup plus on va pas dire commerciale mais en tout cas mélodique, plutôt américaine. Le premier album de Fate est on va dire très inspiré Bon Jovi, etc. Ensuite, sur le milieu de carrière, ils avaient sorti un album et avaient découvert un jeune guitariste suédois qui avait complètement fait sauter la baraque et avait ensuite fondé un petit groupe qui était tout simplement Freak Kitchen. J'ai bien sûr nommé Mathias Eklund, avait débuté sa carrière lorsqu'il avait 19 ans en partant de sa Suède pour rejoindre le Danemark. Donc extrait de cet album qui était sorti il y a une douzaine d'années, on va s'envoyer tout de suite le morceau Miracle par Fate, tout de suite pour les amateurs de bon vieux hard rock mélodique. We'll be right back. Yes, Fate, tout de suite pour les amateurs de hard rock mélodique. Petite correction par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas le guitariste de le guitariste Michael Denner qui était parti de King Diamond pour fonder Fate, mais bien sûr Hank Sherman, Michael Denner était resté fidèle à King Diamond et l'avait poursuivi donc dans ses aventures solo sur les premiers albums de King Diamond. Voilà, petit correctif. Les deux guitaristes allant tellement ensemble que j'ai parfois du mal à les différencier. En tout cas, il s'agissait d'Hank Sherman qui avait fondé le groupe Fate au début, enfin au milieu des années 1980. Donc, on l'a dit en début d'antenne, on a le groupe Nightmare en interview ce soir, enregistré lors du festival du Plein Air Fest du côté de Montcuq, à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. On va revenir sur cette interview que je n'avais pas diffusée jusque-là. J'attendais que le groupe propose un réenregistrement du morceau Eternal Winter en compagnie de la nouvelle chanteuse Barbara, ce qui a été publié semaine dernière. Donc je vais m'exécuter tout de suite et diffuser cette superbe sympathique interview. Je reviens d'ailleurs sur le Motocultor puisque ce soir lors de l'émission de la Ferra Rock, j'ai eu la chance de participer à cette émission concoctée par la Ferra Rock et on a eu des extraits des interviews de tout simplement Biohazard, de Tribute to Thrash également, qui avait été enregistré lors de ce superbe festival et de ce super moment de radio que l'on avait réalisé avec la Ferra Rock. Les interviews complètes sont d'ailleurs disponibles sur le Mixcloud de Overdrive Radio Duo, disponible également sur le site de la radio et également sur la page Facebook Overdrive Radio Duo. En tout cas, je reviens à Nightmare et on débute ensemble l'écoute de l'interview. Ce sera suivi de Eternal Winter avec Barbara Mangor au chant. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Ok, alors salut Nightmare, content de vous retrouver au Plein Air Fest. Ce début d'année vous a permis de relancer la machine, de partir sur les routes, notamment pendant le 70,000 Tons of Metal et la tournée avec Rhapsody of Fire. Comment ça s'est passé? Super. Super? Génial, franchement. Génial. Ouais, c'était des beaux souvenirs, hein. C'était vraiment très très bien. Alors toi, je crois que tu as eu un petit incident pendant la tournée La Croisière. La Croisière, juste avant, j'ai pas pu aller, oui, je me suis fait le nerf sciatique, et c'était la veille de partir, et le médecin m'a dit non, tu restes là. J'ai fait, ah, bon. Et du coup, comment ça s'est passé? Jouer à une seule guitare? Une seule guitare, c'est difficile, mais bon, on a... Est-ce que vous avez pu vous adapter? T'as pas trop le choix, j'ai envie de te dire tu fais. Soit tu fais, soit tu fais pas. Ouais. Donc, et puis justement, cette nouvelle tournée vous a permis de présenter votre nouvelle vocaliste, Barbara, donc enchantée. Comment tu as appréhendé un petit peu la scène avec Nightmare? Est-ce que tu avais déjà des expériences live auparavant ou quelque chose de cette envergure, peut-être plus petit? Alors plus petit, clairement, j'avais déjà un groupe de compos et puis je suis assez habituée à la scène parce que je fais de l'animation, donc voilà, beaucoup de concerts depuis des années. Après, dans le bain direct, quoi, hein, avec des grosses dates, donc il fallait se mettre dedans. Et puis surtout des dates internationales, quoi, ouais, pas uniquement en France, exactement, mais également à l'étranger. Donc j'ai pu zioter un petit peu vos quelques petites vidéos live qui ont été faites sur YouTube, bon, pas forcément toujours en qualité professionnelle, mais quand même qui donnent quand même une idée de ce que vous rendez. Et j'ai quand même noté la qualité de ton anglais lorsque tu t'adresses au public. Donc, est-ce que c'était... On essaye, hein, et il faut. Alors, j'ai toujours adoré les... Vas-y. Et son espagnol aussi. Ouais, voilà. Ça, j'ai pas entendu l'espagnol. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'elle a une adaptabilité vraiment à toute épreuve, puisque les premières dates ont été en Espagne, et donc du coup, elle parle espagnol, donc... super bien. Puis après, elle a switché en français, forcément, puis en anglais. Donc voilà. Bah après, c'était quand même un petit challenge parce que j'avais déjà joué en Espagne, mais de m'adresser, tu sais, dans de la compo, ouais. Il faut quand même que ce soit quand même carré, il faut pas que tu traînes trop. Ouais, ouais. C'est toujours. Je me suis posé la question vraiment, est-ce que. Je me suis dit, si tu le fais pas là, tu le fais pas donc. Et justement, comment est-ce que tu prépares? Est-ce que toutes tes interventions avec le public sont écrites, comme certains groupes, ou est-ce que c'est plus au feeling ou comment est-ce la que plupart. Tu... Après, il y a des choses qui se passent, donc il faut que tu joues avec ça. Tu vois, le public, c'est du public, c'est de l'humain, donc forcément, des fois, il y a des choses qui se passent pas comme tu as prévu, mais il y a des bases qui sont là, on sait entre quelles chansons on met un petit peu plus de temps, voilà, tout est préparé, c'est sûr. Forcément. Comment s'est passée la rencontre, on va dire, recrutement de Barbara? Eh bien, écoute, je vais répondre. Tout simplement, Barbara était très active sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, et je voyais qu'elle faisait beaucoup de covers, qu'elle était vachement active, et puis elle le fait très très bien, et puis mais elle faisait surtout du chant death, on va dire death et black. Et en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'attendais juste voir si elle faisait du clean aussi, et c'est ce qu'elle a fait. Et de là, j'en ai parlé avec Yves, et puis on a pris le temps d'en discuter, et on lui a proposé. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça s'est fait à travers les réseaux. Donc vous lui avez demandé des vidéos, des choses comme ça? En fait, les vidéos étaient déjà sur le net. Donc, des vidéos de Nightmare. Après, moi, je lui ai envoyé. Elle a fait des démos. Ouais. Je lui ai envoyé des tests, démos, ouais. Des tests, démos sans chance de l'album Aeterna, mais même des anciens. D'accord. Qui sont des pièces rares. D'accord. Aeternam étant sorti il y a bientôt 2 ans, à la rentrée, quel retour faites-vous sur cette période du groupe? Pour moi, en tout cas, je pense que voilà, ça a été un de nos meilleurs albums, en fait. Quand on regarde les critiques, hein, je pense qu'il a été très bien accueilli. Oui, voilà, absolument. Et alors, ça a été un des points positifs du Covid, puisqu'en fait, il est tombé en plein milieu, et je pense que les gens avaient plus de temps pour écouter des albums aussi, au lieu de les manger et de les manger, ils avaient plus le temps de s'intéresser, même à des groupes comme le nôtre, et du coup, il a été très très bien accueilli, et moi j'en suis très très fier encore de cet album. Quoi. Vraiment, vraiment, et puis bon, on l'a vu en live, c'est des morceaux qui sont faits pour le live, qui sont... Voilà, non, c'est top, quoi. Et justement, est-ce que vous avez commencé des nouvelles compositions avec Barbara, des démos, des choses comme ça? On est en plein dedans, justement, oui. Parce que je crois que... Voilà, même, il y a eu des annonces un peu sur vos réseaux, sur Facebook, j'avais vu des choses comme ça, comme quoi vous aviez commencé des démos. On a un tracklist quasi complet, quoi, qui est complet. Après, on est toujours en mode démo, mais on va pas tarder à rentrer en studio. Hein. Et comment ça va se passer pour le studio? Après, on travaille... Distance, de toute façon, aujourd'hui, c'est très compliqué de retourner en studio, il y a 10 ans, pendant genre 10 ou 15 jours. Donc on va enregistrer tout sur Grenoble pratiquement, et puis après on verra ça. On travaillera toujours avec, parce qu'on est, très content du travail qu'a fait Simone Molaroni, Domination Studio en Italie. C'est lui qui a fait Aeternam, en mix master. Et puis après, bon, nous on a les studios qu'il faut pour. Et réamping, des choses comme ça, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est. Tout à fait. Le même, normalement, sur le champ, même principe que sur Aeternam, avec Elliot Ordo. Donc voilà, on va suivre une recette qui marche. Et justement, cette composition, comment elle s'est faite? Est-ce qu'elle s'est faite à l'époque de la précédente vocaliste, ou est-ce que lorsque Barbara était déjà dans le groupe, elle a pu, on va dire, écrire et apporter son grain de sel au compo? Non, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc elle était présente lors du processus. Impliquée. Il n'y a pas grand chose qui date d'avant. C'était des balbutiements peut-être de bout de griffe. Voilà. Et là, les morceaux accomplis, en fait, ils sont écrits tous les trois, là, ensemble. Je dirais qu'on a un retour. Alors c'est intéressant parce que Barbara a une approche des fois plus extrême, mais elle sait aussi chanter mélodique. Et je pense qu'on a une approche peut-être plus old school heavy metal, donc beaucoup plus catchy. Je pense que on n'a pas encore été trop. On ne peut pas tout dévoiler, mais moi je le sens bien parce que je pense que les morceaux sont faits pour être des hit singles. D'accord. Voilà. Donc ça, il faut l'espérer que ça continue sur, on va dire, les retours positifs que vous avez connus d'Aeternam et que ça puisse continuer dans la. Justement. Avec plus de 40 ans de carrière et forcément plus de 10 albums complets, comment établissez-vous une setlist entre les différentes époques et incarnations du groupe, puisque vous avez connu forcément différentes vies? On a été très très On a quand même privilégié la nouvelle identité du groupe, parce que les gens auraient pu nous demander de jouer des morceaux de Cosmovision, de Dominion. Ou même des années 80. On a gardé un classique, c'est Eternal Winter, mais sinon on a quand même collé à la nouvelle identité et privilégié le dernier album à chanteuse. Oui, en fait, c'est pas que c'est trop compliqué, mais c'est vrai que chaque période du groupe, en fait, elle est quand même bien définie au final. La période 80s est vraiment 80s, si tu veux. Et en France, bah, si tu veux, Nightmare, beaucoup de gens encore se rappellent surtout de cette période-là et de Cosmovision. Or, on est quand même passé à autre chose. Et même à l'époque des frangins, c'était déjà autre chose, mais les gens étaient restés sur l'autre. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc là, en fait, on s'est dit non, il faut qu'on reste là-dessus, sinon on va perdre tout le monde, en fait. Si Barbara chante Trust the Crowd, les gens vont pas comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Donc, et toi, est-ce que il y a, on va dire, un des anciens vocalistes masculin ou féminin, sur lequel tu te sens, avec lequel tu te sens plus à l'aise d'interpréter des morceaux, Barbara? Clairement, après, c'est comme je disais, c'est jamais évident de reprendre des chansons que tu n'as pas écrites. Mais je dirais que j'ai beaucoup aimé l'album de Maggie Lyoten, donc celui juste avant Eternal. Et je dirais que c'est celui avec lequel j'ai plus d'aisance, de par le grain de voix, de par l'énergie, même si je trouve qu'Eternam est un très bel album. Et au niveau de C'était Dead Sun, c'est ça? Ouais, Dead Sun, exactement. Sa tessiture se rapproche plus de Mag. Mag. Et justement, par rapport à Mag, est-ce que vous avez écouté son dernier projet, The Prize, qu'elle a enregistré avec, en compagnie Godin. De Christophe Bien Godin? Bien sûr. Ouais, carrément, moi j'ai écouté. Et justement, est-ce que vous avez un mot à dire dessus ou... Bah, c'est que des tueurs. Hein. C'est... Oui, voilà, franchement, moi, tout ce qui compte, c'est que quand Mag est partie, c'est parce qu'elle avait envie de faire autre chose, clairement, et que là, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et pour moi, c'est quand les gens font ce qu'ils ont envie de faire, forcément, quand t'es heureux de faire ce que tu fais, après ça roule. Hein. Et puis il y a que des tueurs derrière, donc ça peut pas être mauvais. On sent qu'elle est dans son élément. Oui, c'est ce qui compte. Qu'elle s'épanouit. Je les ai vus deux fois et j'ai beaucoup aimé. Voilà, Mag, j'ai pris des cours avec elle, donc on se connaît bien. Et on la voit épanouie en tout cas. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner une petite, on va dire, un petit planning pour la sortie du prochain album, ou est-ce que c'est trop tôt pour le moment? À peu près. Moi, après, c'est difficile la période. Début 2024. On espère. Dans les six premiers mois de 2024. Tu vois ce que je veux dire? On est en pour parler, mais c'est pas encore fait. C'est difficile, c'est compliqué. La période est compliquée, puis financièrement. L'idée qu'on aimerait, c'est pour une fois aller sur le territoire américain, US Canada. Donc on a des options en discussion pour la tournée, peut-être aller faire Firewind, mais on peut pas encore en parler, même si je viens d'en parler. On peut pas encore en parler, mais je peux le couper si tu veux. Non. Mais voilà, donc après. Ça sera cool. Il compte, là. Et justement, j'en parlais tout à l'heure avec Marcus de Blind Guardian, ici présent. Enfin, il n'est pas avec nous dans la conversation, pour ceux qui écoutent la radio. Néanmoins, il est dans la pièce, pas très loin. Le coût des tournées est de plus en plus difficile suite à l'inflation, suite à tout ce qu'on a connu. Est-ce que vous avez été impacté sur la dernière tournée que vous avez faite en début d'année? Et est-ce que c'est plus difficile pour un groupe de l'envergure de Nightmare, qui est quand même un groupe quand même français, mais également international, mais qui n'est pas non plus Iron Maiden? Complètement, de toute façon, les coûts, c'est tout, x4. Je pense qu'on a la salle place, sans dénigrer le groupe, loin de là, mais en fait, on est vraiment dans une espèce de entre deux chaises, où tous les groupes de notre envergure, c'est les premiers à prendre dans la gueule. Parce que déjà avant, si tu veux, c'était déjà un peu de la survie. On arrivait, et là, avec le Covid, il y en a plein qui... Après, on a plus d'opportunités parce qu'on a le CV qui fait que... Voilà. Par contre, les coûts... On les prend dans la tête. Hein, c'est alors, il y a forcément l'organisation. Mais est-ce que vous avez été également, par exemple, sur votre dernière tournée, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, est-ce que vous avez connu le phénomène où des salles de concert prennent une partie du merch. Du merch. Non, on n'a pas eu ça. Vous avez pas eu ça? On l'a eu en Allemagne. En Allemagne, on a eu ça? On l'a eu en Berlin. Putain, j'avais même pas, je savais pas. 20%. Moi, j'étais là. 20%, ouais. Je vois venir le mec, il me dit, ça fera 30%. Je me mets, comment ça? Non. Il fait, si, ça se fait comme ça. Quelle horreur. Et ça, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui peut être organisé par une sorte de régulation ou quelque chose comme ça? Il n'y a plus de régulation. Moi, je bosse sur de la prod aussi, en booking et tout ça, et on voit même quand on travaille sur... chaque pays a ses règles, mais je veux dire, aujourd'hui, l'avenir de la guerre, c'est la thune, il n'y en a pas, et si on peut prendre un maximum, on prend un maximum. Et donc, il n'y a pas la facilité qu'il y a avant. Un tourbus, aujourd'hui, ça coûte... je fais une tournée, quand même, sur 3000 balles par jour. Moi, j'ai fait des tournées en 2006, ça coûtait 900 balles par jour. Ça donne une idée. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour le même type de tournée, le même nombre de dates. Donc, il faut le savoir, mais bien sûr, tout le monde est au courant. C'est avec le merch que les des concerts que la plupart des groupes survivent. Ouais, et encore, parce que en Espagne, par exemple, les gens sont fous, à fond. Suivant les pays. Ils n'ont plus l'argent, ils n'ont pas l'argent pour acheter du merch. Suivant les pays, c'est pas la même chose. Vous voyez une différence quand vous tournez? Ouais, en Espagne, si les gens ont beaucoup moins de fonds, mais vont vraiment être plus à fond pendant le concert. C'est-à-dire que c'est blindé, c'est sold out, par contre, ils ne vont pas t'acheter beaucoup de choses. Ouais. Une certaine ferveur, quoi. Par contre, ils sont très, très fidèles, quoi. Mmh. Ils sont à fond. Puis t'as beaucoup de retours, même s'ils viennent pas acheter, ils sont quand même là. En Allemagne, t'as moins de monde, mais ils vont tous acheter quelque chose. C'est un truc de dingue. Moins de monde en Allemagne, tu vois, j'aurais compris. Nous non plus, on se... Ça dépend des salles, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois endroits. Ok, bon, en tout cas, Nightmare, merci pour le moment d'interview. Hein. J'espère vous voir ce soir sur la scène du Plein Air Fest pour un show... Je pense que la dernière fois que je vous avais vu, ça remonte à quelques années, le Rock'n'Roll, il me semble, Rec-sur-Loire. Je sais pas si vous en... Truc de motard. Ouais. C'était donc ça. Ouais. C'était toi qui tirais. Je m'en rappelle très bien, il y avait deux, trois personnes devant la scène. C'était toujours. Ouais. C'était particulier. Avec des fusillades de bikers. Ouais. La vache. C'est vraiment particulier. En tout cas, merci pour le temps accordé, et puis on se revoit sur une prochaine date. Merci à toi. Plus, merci. We'll be right back. On remercie l'équipe du Plein Air Fest Nightmare également pour la fantastique interview lors du festival Eternal Winter que vous venez d'entendre. Il est 22h30 passé, 22h passé de 30 minutes sur le 895 de Radio Duo. Et on continue avec du trash et le retour du groupe Sadus sur Nuclear Blast. Voilà, qui fait du bien par où ça passe avec Ride the Knife. Yes, Sadus tout de suite et on continue avec le groupe français Signs of Decline sur ce 4 titre, ce sera Lost paru sur MNO Music. Vous écoutez toujours Overdrive. We'll be right back. Le nouveau groupe d'industriels qui monte, ce sera Chargot avec Let Me Out et le morceau Red Light District. Vraiment une superbe ambiance cyberpunk sur cet album pour tous les amateurs de métal industriel. Et on va continuer avec l'extrême avec The Austrian Death Machine et ce morceau No Pain, No Gain. C'est toujours sur Overdrive Radio Duo. Maintenant, ce sera au tour du black metal avec Abduction et son album Tout Blesse, la dernière lutte. Ce sera le morceau Carnet sur Récif, maintenant sur Overdrive. Voilà, Overdrive, c'est terminé. On va se quitter au son de Lennar Tomfield tout de suite pour, encore une fois, du black metal. Lennar Tomfield avec cet album An Arrow to the Sun et le morceau Solar Charioteer. On remercie encore une fois Nightmare pour l'interview. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo ainsi que la page Instagram Overdrive Radio Duo et les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. On se quitte au son de Lennar Tomfield. Merci, ciao, bye bye.